Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. On le surnommait la machine à idées. Artiste pluridisciplinaire, compagnon de route de William Burroughs, Brian Gysin fut l'auteur de nombreuses innovations artistiques, qu'elles concernent la peinture, le dessin, le collage, le son, la littérature ou la performance. Parmi ses nombreuses inventions, il y eut la Dream Machine, la machine à rêve. Affirmant qu'il s'agissait là du premier objet d'art devant lequel on ferme les yeux, convaincu que l'imagerie de tout l'art ancien et moderne pouvait être vue à travers elle, et persuadé que sa technique pourrait remplacer la peinture et la télévision, Gysin tenta en vain durant plusieurs années de faire fabriquer en série sa machine à rêve pour la mettre à la disposition d'un large public. Alors qu'un des rares exemplaires de la Dream Machine avait été exposé à l'abbaye de Beaulieu l'été précédent, en février 1977, dans le quatrième des 5 entretiens qu'il accordait à Jean d'Ève, Brian Gysin racontait sur France Culture la genèse, la conception, l'expérimentation et, selon ses propres mots, la triste fin de la Dream Machine, dont la pratique abusive, comme c'est le cas aujourd'hui pour certains jeux vidéo, n'était pas recommandée aux épileptiques. Dream Machine 1. J'ai eu un orage transcendantal de vision en couleur, aujourd'hui, dans l'autobus qui allait à Marseille. Nous roulions le long d'une longue avenue bordée d'arbres, et j'ai fermé les yeux contre le soleil couchant. Une inondation écrasante de dessins, d'une brillance intense, et de couleurs surnaturelles, explosait derrière mes paupières. Un kaléidoscope multidimensionnel tournoyant à travers l'espace. J'étais emporté hors du temps. J'étais dehors, dans un monde de nombres infinis. La vision s'est brusquement arrêtée quand nous avons quitté les arbres. Était-ce une vision? Qu'est-ce qui m'était arrivé? Oui, je me souviens de ce moment. C'est une entrée dans mon journal à l'époque, où je vivais dans une colonie d'artistes à La Ciotat. Et cette expérience d'un jour d'hiver m'a mis sur une longue route de recherche seul et avec mon assistant Yann Somerville, qui était mathématicien. Et ça a mené à une machine qui a été exposée cet été à l'abbaye de Beaulieu, comme le point final dans l'histoire de l'art cinétique. Brian Gysin. Four. La Dream Machine. Five. La poésie sonore. One. Désert dévorant. Two. Œuvre croisée. Three. Le rouleau. Four. La Dream Machine. La machine qu'on a inventée est le premier objet d'art dans l'histoire du monde devant lequel on ferme les yeux plutôt que de les ouvrir. Et nous jouions dans une autre dimension de l'esprit dès qu'on a pris le droit de vouloir mettre un doigt dans l'engrenage des forces intérieures. Parce que voilà, cette expérience me ressemblait fortement à ce qu'on lit dans l'Évangile sur ce qui est arrivé à Saint Paul, qui était, lui, sur la route de Damas, sûrement à bord d'un chariot sur une route peut-être alignée d'arbres d'exactement la même façon qu'étaient ces arbres entre La Ciotat et Marseille. Et le soleil couchant derrière, il a fermé les yeux, il a vu ces explosions, il est entré dans ce monde qu'il a traduit autrement que je ne traduirais. Mais il est fort possible qu'il ait subi une expérience pas psychique, mais l'agissement des ondes alpha directement sur son cerveau. Et le racontant à Burroughs, dans ce sens-là, nous avons beaucoup ri du parallèle qu'on pouvait en tirer. Et plusieurs jours plus tard, sur les quais, il a acheté chez les bouquinistes un livre en anglais sur le fonctionnement du cerveau, qui était du docteur Gray Walter, un Américain qui a travaillé toute sa vie en Angleterre, à Bristol. C'est un homme extraordinaire qui a inventé des petites machines qui ont de la mémoire, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces expériences. Il a inventé une souris électronique qui apprenait quelque chose. Et c'est aussi un poète qui décrit le monde du cerveau comme si c'était un univers et dans lequel il voyageait comme on pouvait voyager dans l'espace. Et sur une page du livre, j'ai noté dans une longue phrase, une partie de la phrase qui m'intéressait, où il a expliqué que dès les années 50, quand on a perfectionné les électroencéphalogrammes, qui étaient les moyens électroniques de faire un dessin de l'activité cérébrale, comme veut la discipline de la science, étant donné qu'ils avaient un résultat, la prochaine étape, c'est de changer le résultat. Alors, à ce moment-là, sur des patients qui étaient attachés aux électrodes et dont le cerveau faisait un dessin étincelant sur un écran, il leur a demandé de se rappeler, par exemple, d'une expérience traumatique ou de faire de la mathématique ou plusieurs autres expériences, surtout sur le plan mental plutôt que physique. On a également pensé à les faire subir des clignotements de lumière. Et justement, c'était à ce moment-là qu'en faisant clignoter une lumière entre 8 et 13 interruptions par seconde, les patients parlaient exactement comme j'ai parlé dans mon journal. Ils parlaient d'un monde intérieur, des couleurs surnaturelles, et puis ils passaient dessus, enfin, il allait plus loin, ce n'était qu'une partie d'une phrase sur la page. J'en ai parlé avec mon ami Ian Somerville en disant, voilà, il doit y avoir le moyen de faire ça chez nous. Et il a dit, oui, oui, oui, ce n'est pas impossible. Nous avions l'idée, venue de mon expérience et de ce qu'on avait lu dans le livre de Gray Walter, de se dire qu'en prenant la lumière comme source, on pouvait entrer dans cet univers intérieur. Et ça m'intéressait beaucoup parce que, juste avant cette expérience d'ailleurs, je vivais à un endroit qui s'appelait Rustic Olivette à La Ciotat, dans une grange qui avait été aménagée en studio, et très seule, très solitaire, tout en hiver, j'avais pensé à ce qu'on pouvait déduire de la peinture, comme on avait détruit le support depuis le collage inventé au commencement du siècle, ou le cubisme qui a découpé les morceaux de journaux collés comme Braque et Picasso l'ont fait vers 1913, de jeter du sable dans la peinture à l'huile et d'en faire une surface qui représentait, enfin, ce qui intéressait les cubistes, était un grand moment dans l'histoire de la peinture où on s'attaquait au support et à la matière même de la peinture. Mais la lumière même, qui était, d'après mes considérations, la seule chose qu'on ne pouvait pas retirer. On pouvait retirer le support, on pouvait retirer la matière, on pouvait retirer tout de la peinture devant mon mur imaginaire, sauf la lumière. Sans la lumière, la peinture n'existait pas, disparaissait, même que ce soit une action de body art ou d'art conceptuel et autres. Tu fermes la lumière, c'est fini. L'objet n'existe plus. Tandis que de jouer sur le fonctionnement du cerveau par les moyens lumineux à travers les yeux fermés nous intéressait beaucoup, beaucoup. Nous n'avions absolument pas de moyens. C'était un moment où on vivait dans l'hôtel de la rue Gillecoeur, qui célèbre comme le Beat Hotel, où vivaient tous les Américains, surtout les écrivains à ce moment-là, de la Beat Generation, Burroughs, Ginsberg, Kerouac est passé par là, Gregory Corso vivait là pendant de longues années, et c'était un point où se croisait toute cette génération qui était sur la route. Comme l'hôtel était vraiment du tout dernier ordre, un meublé 11e classe officiellement sur le papier de la préfecture, on n'avait droit qu'à 40 watts d'électricité. Et en bas, dans le bistrot, il y avait un espion avec une toute petite ampoule pour chaque chambre pour montrer si l'électricité était allumée là ou pas. Et si on mettait quoi que ce soit d'autre, paf, ça éclatait en bas. Et puis il y avait une histoire terrible avec la patronne. Qui avait, elle était très gentille, ce n'était pas un dragon du tout. Madame Rachou était un ange, mais elle avait très peur de l'électricité, comme chose, et puis effectivement c'était installé au 19e siècle, il y avait de quoi avoir peur, parce qu'un petit truc aurait pu faire brûler toute la maison comme un rien. Et elle avait un client qui était voisin également, électricien. Alors son intérêt était de lui faire encore de plus en plus peur. Alors chaque fois qu'on mettait un fer à repasser, on faisait sauter tout ce truc et ça sentait mauvais, on voyait déjà la maison en flammes. Alors là-dedans, nous nous proposions de jouer avec la lumière et les moyens électroniques les plus modernes. Effectivement, par des billets extravagants, on a néanmoins créé une machine qui tournait sur un tourne-disque qui se remontait à manivelle pour épargner l'électricité et qui faisait tourner un cylindre ajouré, calculé mathématiquement par Yann, pour produire, si on mettait une lampe de même 40 watts à l'intérieur, et quand on se mettait tout près du cylindre qui passait, en fermant les yeux devant les petites ouvertures, tout d'un coup, on avait ces visions dont j'ai parlé dans ces notes. Et de là, rien. Cette machine qui aurait dû être la coqueluche des années 60, the drugless turn-on, où on avait tous les effets hallucinatoires des drogues, mais sans prendre de drogue, on pouvait s'arrêter des rêveries simplement en ouvrant les yeux. Ce n'était pas du tout habit-forming. Et ça aurait dû être une grande aventure pour toute une génération. Rien de tout ça s'est passé. Moi, j'ai regardé sûrement des centaines d'heures à la suite. Et il y a des choses qu'on reconnaît, des grands effets, les nombre de couleurs n'est pas illimité, n'est-ce pas? Mais effectivement, les visions qu'on a, les expériences qu'on a, sont illimitées. Et il y a plusieurs sortes, même. D'abord, ceux qui voient ça pour la première fois voient des couleurs d'une telle intensité qu'ils ne distinguent pas tout de suite ce qui se passe. C'est une sorte d'explosion intérieure, parce que ce qui se passe, c'est que la machine produit des ondes alpha. Nous avons dans nos cerveaux des ondes alpha à partir de l'âge de 7 ans. Presque tout le monde en a. Il est très rare, je ne sais pas quel pourcentage de gens n'ont pas d'ondes alpha du tout, mais parmi ceux qui n'en ont pas du tout, il y a beaucoup de marchands d'art. Assez curieusement, sur 5 marchands d'art qui ont fermé les yeux devant la machine, 4 ont avoué qu'ils ne voyaient rien du tout. Mais on sait que les ondes alpha sont des ondes de réflexion, les ondes qui prédominent dans le cerveau au moment de recueillement ou de pensée productive. Et nous les avons entre ces palpitations de 8 à 13 par seconde dans les heures de la journée, mais jamais deux fois à la même heure, les mêmes productions d'activité cérébrale. Nous connaissons des moments de fatigue, des moments d'avoir les forces renouvelées par la nourriture, par exemple, change la prédominance de l'activité cérébrale. Visuellement, on peut voir ça sur un électroencéphalogramme. Et la machine vous entraîne à un rythme très précis qui était produit par mon cylindre ajouré, très exactement, produit des ondes d'exactement 8, et pas 8,5 ou 9, disons. Alors, on a une certaine résistance à l'origine parce qu'on est emporté au rythme de la machine. Mais dès que la machine a fait entrer en phase avec elle vos ondes intérieures, vous commencez à avoir des visions beaucoup plus étendues. D'abord sur 180 degrés, et puis à un certain moment, avec un petit moment qu'on ne reconnaît que quand ça se passe une seconde fois, parce que c'est une expérience absolument nouvelle, on est dans un grand cercle, à l'intérieur d'une sphère de 360 degrés tout autour de soi, passe ses couleurs, ses points de lumière, ses visions, ses éléments qui se joignent pour créer des objets aussi réels que, par exemple, il n'y a pas longtemps, je regardais pendant un bon petit moment, le matin, et je voyais surtout des énormes étendues de couleurs et des éléments de dessin qui rappellent une certaine peinture, comme la peinture de Delaunay ou de Vasarely et les autres qui ont employé ces systèmes de reproduire une certaine activité intérieure, une certaine vision qu'on a par instant simplement en mettant les pouces dans les yeux. On produit des points lumineux, des flashs de couleurs que ces peintres recherchaient. J'ai demandé une fois à Sonia Delaunay comment son mari et elle étaient arrivés à leur prisme, leur cercle, leur chose. Et là, franchement, c'était en regardant le soleil, en fermant les yeux, en pressant les pouces dans les yeux, ou avec les doigts ouverts, passant la lumière et l'ombre sur nos yeux, on a vu ces éléments-là, et c'est ce qui nous intéressait, et c'était la suite de ce qu'il faisait pendant de longues années, cette recherche de la couleur, etc. Alors, ce sont donc une partie de l'expérience intérieure porte et peut amener à ce genre-là de peinture. Mais assez curieusement, on voit ça d'une façon presque tactile. On voit des étendues d'orange, par exemple, très souvent, qui ont l'air d'être la peinture à couteau, ou un couteau à peindre a pris la pâte même et l'a étayée sur une surface. Et plus loin, il y a un endroit qui doit faire joint avec le centre qui nous fait rêver, avec l'activité du sommeil qui est encore inconnue, très mal étudiée, où les études faites jusqu'ici, à ma connaissance, n'ont pas abouti à une cognition très exacte de la procédure du rêve. Mais on y touche avec les ondes alpha. Et des variations d'ondes éveillent des images qui passent en trois dimensions, comme si c'était une sorte de télévision, où les images se formaient par une recognition des éléments qui paraissaient à l'origine être une abstraction. C'est-à-dire que les éléments, des petits points travaillant très vite, sont d'abord reconnus comme abstraits, et puis on voit une sorte de procédé qui ressemble assez à la télévision, assez pour faire croire à certains qu'il serait possible de téléviser un programme directement dans les cerveaux des dormeurs, par exemple, ou même d'inventer un moyen de téléviser les événements, les faire voir par tous ceux qui fermaient les yeux. Donc, un avenir de rêve ou de cauchemar? C'est un problème qui a été étudié en Suède et en Angleterre beaucoup, où on a fait même des expériences, dit-on en Angleterre. Leur expérience n'a été décelée qu'au moment où plusieurs personnes dans un même village, en se fréquentant, se racontaient le même rêve. Et sur un certain nombre de semaines, ça les inquiétait tellement que c'était venu la connaissance des autorités et même des amateurs qui ont dû arrêter leur expérience. Exposé au musée des arts décoratifs dans une exposition qui s'appelait L'objet en 64. Chauffeur montrait tout un mur clignotant, tournant, qui faisait passer et repasser au fond les mêmes images. Il cherchait les moyens de faire permuter les moyens qu'il avait, les moyens mécaniques, mais c'était toujours limité. Il pouvait faire passer 24 choses 24 fois, mais ça n'arrivait pas du tout aux dimensions de la vision intérieure où ces lumières tournoyantes, ces couleurs, ces images, ces impressions continuent tant qu'on a les yeux fermés et tant que ma machine marche. L'installation qu'avait Chauffeur était subventionnée par la maison Philips, pour qui il avait déjà fait de très grands projets, très beaux, très intéressants, que j'ai beaucoup aimés. Et Philips, au fond, se mettait en contact avec les artistes dans un but tout à fait commercial. Et il voulait mettre ces éléments dans les salons de coiffure pour que les dames qui se faisaient sécher les cheveux pouvaient rêver un petit instant sur ces trucs. Ça a rendu les dames malades. Toutes, elles ont dit que ça leur donnait le mal de mer et on n'a pas vu beaucoup de boîtes dans les salons de coiffure du monde. Et sous couverture de fréquenter les artistes, ils ont établi un bureau ici à Paris dans les années 60 et ils sont entrés en contact avec plusieurs artistes, dont moi. Et ça n'a abouti à rien. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas eu de suite avec Philips, bien que ça m'a valu une très grande aventure assez absurde où dans le bureau de Philips, un jour où j'arrivais sans un sou et on traversait Paris à pied parce que je n'avais même pas un ticket de métro, ils m'ont proposé d'aller au Caire. Je dis, mais comment au Caire? Oui, il n'y a personne dans le bureau et nous devons installer le son et lumière dans la citadelle du Caire. Parce que nous avions déjà un son et lumière aux pyramides, où on fait parler le sphinx. Et Nasser a tellement aimé ce show qu'il a voulu qu'on monte exactement la même chose pour la citadelle du Caire, pour le 10e anniversaire de sa révolution. Et il nous manque la version arabe. Et comme tu connais bien les Arabes et que tu parles l'arabe, je dis, mais je ne parle pas du tout l'égyptien. Je me suis dit, enfin, c'est un voyage tout de même, parce que l'égyptien est aussi différent du marocain que le fin fond de l'Angleterre, du Far West des États-Unis, n'est-ce pas? Un autre, tout autre dialecte même. Je n'ai rien dit, je suis parti, je devais revenir dans 48 heures. Ça a duré 3 semaines. 3 semaines, vraiment une folle aventure. Dans les ministères, au Caire, en ramassant un troupeau de tous les grands acteurs et tous les comédiens du Caire, les plus célèbres, n'est-ce pas, avec qui j'étais à faire des enregistrements dans un studio qui était juste au pied des pyramides, et puis également dans un autre studio qui appartenait à Oum Kalsoum, qui était la plus grande vedette mondiale, avec 600 millions de fans, n'est-ce pas, presque inconnue, peu entendue en Europe, mais vraiment la star des stars sur le plan nombre d'adeptes, n'est-ce pas, une chanteuse sacrée pour tout le monde arabe. Et j'ai eu des histoires terribles avec elle, qui m'a écrasé. Elle est entrée, je ne savais même pas que le studio lui appartenait, c'était sa propriété personnelle. Et je m'étais faufilé là-dedans avec tous ses acteurs et techniciens et tout le reste, juste au moment où elle voulait donner quelques retouches à une de ses chansons. Et elle a fait une entrée comme une reine, chez elle en plus, et moi, hors de combat, vraiment. Et voilà. Puis par la sauce, les histoires de Dream Machine m'ont amené dans des trucs assez cocasses, il faut dire. Alors, de là, je laissais tomber toute l'histoire. Et je me suis décidé de rentrer au Maroc et de ne pas lutter. Et si la machine ne marchait plus, ben tant pis. Et je n'avais même pas une machine à moi à ce moment-là. Quand j'ai rencontré quelqu'un qui était dans les public relations aux États-Unis, qui était de passage à Tanger, qui a dit « Oh, ça, je saurais le faire marcher, ça va être une affaire étonnante, tu verras, viens à New York, et ramasse tes machines et viens. » Alors, je suis allé. Je suis resté 10 mois à travailler qu'à ça, nuit et jour, ne rencontrer que les gens les plus invraisemblables, comme pas simplement les grosses maisons d'édition, à qui appartiennent même les forêts qui font le papier, qui impriment les livres qui vendent, n'est-ce pas? Les maisons d'édition en Amérique, c'est une chose colossale, pyramidale, n'est-ce pas? Et qui s'intéressaient beaucoup aux non-livres, parce qu'ils sont anti-livres, les éditeurs. Ce sont des joueurs comme des gens qui jouent aux courses, mais qui n'aiment pas beaucoup les chevaux. Je crois qu'ils n'aiment pas beaucoup les livres et pas beaucoup les auteurs. Mais ça fait partie d'un monde de business où ils voient que s'ils imprimaient sur du Kleenex, ils pouvaient à la fois vendre un article dans lequel on pouvait se moucher aussi bien que le lire, enfin le lire et se moucher et le jeter là où l'on pense. J'ai beaucoup fréquenté ces gens-là pendant 10 mois. Mais ça devenait des problèmes, voilà, sur ces rayons, les livres tels qu'on les a toujours vus, enfin, sur les étagères. Mais ça, les Dream Machines, où est-ce qu'on va les mettre? Comment est-ce qu'on va les faire un stock de Dream Machines? Il faut en faire au moins 25 000 pour commencer. Où est-ce qu'on va mettre? Moi, ces problèmes-là, ça m'a lassé. Et je suis reparti vivre au Maroc et oublier les Dream Machines jusqu'à l'an dernier. Et l'an dernier, un jeune ami qui vit à Genève m'a demandé le droit d'en faire. Et il a fait une très belle machine qui était exposée dans une galerie à Genève au moment du colloque de Tanger de l'an dernier au mois septembre-octobre 1975. Et cet été, elle a été exposée à l'abbaye de Beaulieu. Et voilà, jusqu'ici, c'est la fin de la triste histoire de Henry Machine. C'était la Dream Machine, le quatrième des entretiens avec Brian Gysin, au micro de Jean Dève, diffusé la première fois le 10 février 1977 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.